Party avec le concours du Essa Import Lille et Paris. Salut bande de Boufoulkège, Cocteau, COCTO dans la radio pour Space Party. Space Party, c'est plus fort que l'invention des portes jartelles par Gustave Eiffel. Space Party, lorsque le son prend une autre dimension. Space Party, pour dire oui aux ovnis. Levez la main et dites, je le jure. Une heure de nouvelle musique non-stop dans les cages à miel sur Énergie tous les samedis soirs avec dans la première session Empire Best Building, Ebilogic, Sonic Solution, Rotterdam Termination Source, Westbam, Master Techno et Bass Bumpers. Here we go. Dance on. Père Jimmy ne va pas tarder. wanna rock the place. Can we take it to the max? Take it to the max. Come on, dance. Tonight, techno is not yet dead. Space, dead, space, dead, space, bottom, dead. Hey, you know, it's one big mean world out there. Always seem to fuss and fight. Whatever happened to love and peace? Whatever happened to people's rights? You give the power to the people now. Don't forget what Johnny said. Imagine what we're fighting for. Give peace a chance and no more dead. Hey, brothers and sisters, 1, 2, on the line. Énergie, c'est le Space Party. Regardez les baffles de votre R12 504 Break Turbo Diesel injection Rabbit. Elles explosent, c'est normal. Elles ne supportent pas le son du futur. Avec dans la deuxième session du non-stop de Space Party, Fiction, le nouveau Chamène avant tout le monde, et un vieux truc, vieux comme le monde, mais bon, Amnesia, Drop the Stick. Love your sister.